Troisième partie, chapitre 15, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Troisième partie, chapitre 15. La manière de pratiquer la pauvreté réelle dans la possession des richesses. Le célèbre peintre Parrhasius fit un portrait du peuple athénien que l'on trouva d'une invention très ingénieuse, car pour le peindre avec tous les traits de son naturel léger, variable et inconstant, il représenta dans plusieurs figures d'un même tableau des caractères fort opposés de vertu et de vice, de colère et de douceur, de clémence et de sévérité, de fierté et d'humilité, de courage et de lâcheté, de civilité et de rusticité. C'est à peu près ainsi que je voudrais, piloter, faire entrer dans votre cœur la richesse et la pauvreté, un grand soin et un grand mépris des biens temporels. Ayez beaucoup plus d'application à faire valoir vos biens que n'en ont même les mondains. Car dites-moi, je vous prie, ceux à qui les grands princes donnent l'intendance de leur jardin, n'ont-ils pas plus d'attention à les cultiver et plus de soin d'avoir tout ce qui peut servir à les embellir que s'ils leur appartenaient en propre? Pourquoi cela? C'est qu'ils considèrent ces jardins comme ceux de leurs princes et de leurs rois, à qui ils veulent plaire. Philotée, les biens que nous avons ne sont pas à nous, et Dieu qui les a confiés à notre administration prétend que nous les fassions bien valoir. C'est donc lui rendre un service agréable que d'en avoir un grand soin. Mais il faut que ce soin soit plus solide et plus grand que celui des mondains, parce qu'ils ne travaillent que pour l'amour d'eux-mêmes, et que nous devons travailler pour l'amour de Dieu. Or, comme l'amour de soi-même est un amour empressé, turbulent et violent, le soin qui en tire son origine est plein de troubles, de chagrins et d'inquiétudes. Et comme l'amour de Dieu porte dans le cœur la douceur, la tranquillité et la paix, le soin qui en procède est doux, tranquille et paisible, même à l'égard des biens du monde. Ayant donc cette suavité d'esprit et cette tranquillité de conduite en tout ce qui est de la conservation et de l'augmentation de nos biens, selon les besoins véritables et les justes occasions que nous en avons, car enfin Dieu veut que nous en usions ainsi pour son amour. Mais prenez garde que l'amour propre ne vous trompe. Il contrefait quelquefois si bien l'amour de Dieu que l'on dirait que c'est lui-même, et pour éviter cette surprise et le danger qu'il y a que ce soin légitime ne devienne une vraie avarice, il faut outre ce que j'ai dit au chapitre précédent, il faut, dis-je, pratiquer souvent une manière de pauvreté réelle et effective, au milieu de toutes les richesses. Défaites-vous donc souvent de quelque partie de vos biens en faveur des pauvres. Donner ce que l'on a, c'est s'appauvrir d'autant, et plus vous donnerez, plus vous vous appauvrirez. Il est vrai que Dieu vous le rendra bien, et en l'autre vie, et en celle-ci, puisqu'il n'y a rien qui fasse plus prospérer le temporel que l'aumône. Mais en attendant que Dieu vous le rende, vous participerez toujours au mérite de la pauvreté. Ô le saint et riche appauvrissement que l'aumône chrétienne! Aimez les pauvres et la pauvreté, et cet amour vous rendra véritablement pauvre, puisque, comme dit l'Écriture, nous devenons semblables aux choses que nous aimons. L'amour met de l'égalité entre les personnes qui s'aiment. Qui est infirme, disait saint Paul, avec lequel je ne sois pas infirme? Il pouvait dire, qui est pauvre, avec lequel je ne sois pas pauvre? L'amour le rendait semblable à ceux qu'il aimait. Si donc vous aimez les pauvres, vous participerez à leur pauvreté, et vous leur serez semblable. Or, si vous aimez les pauvres, prenez plaisir à vous trouver avec eux, à les voir chez vous, à les visiter chez eux, à traiter volontiers avec eux, à les laisser approcher de vous dans les églises, dans les rues et ailleurs. Soyez pauvres de la langue avec eux, leur parlant comme d'égal à égal, et soyez riches des mains, en leur faisant part de ce que Dieu vous a donné de plus qu'à eux. Voulez-vous faire encore davantage, Philotée? Ne vous contentez pas d'être pauvres comme les pauvres, mais soyez plus pauvres qu'eux-mêmes. Et comment cela, dites-vous? Je m'explique. Le serviteur est inférieur à son maître, vous n'en doutez pas. Attachez-vous donc au service des pauvres. Allez les servir, quand ils sont malades, dans leur lit, et de vos propres mains. Apprêtez-leur à manger, et à vos dépenses. Occupez-vous humblement de quelque travail pour leur usage. Ô Philotée, servir ainsi les pauvres, c'est régner plus triomphamment que les rois. Sur cela, je ne puis assez admirer l'ardeur de Saint-Louis, l'un des grands rois que le soleil ait jamais vu. Mais je dis grand roi, en toutes sortes de grandeurs. Il servait très fréquemment à la table des pauvres qu'il nourrissait. Il en faisait venir presque tous les jours trois à la sienne, et souvent il mangeait les restes de leur potage, avec une affection incroyable pour eux et pour leur état. Il visitait souvent les hôpitaux, et il s'attachait ordinairement à servir les malades, qui avaient les maux les plus horribles, comme les lépreux et les ulcérés, et ceux qui étaient rongés d'un chancre. Il leur rendait ses services nu-tête et à genoux, respectant en eux le sauveur du monde, et les chérissant d'un amour aussi tendre que celui d'une mère pour son enfant. Sainte Élisabeth, fille du roi de Hongrie, se mêlait ordinairement parmi les pauvres, et pour se divertir avec les dames de sa maison, elle s'habillait quelquefois en pauvre femme, et leur disait « Si j'étais pauvre, je m'habillerais ainsi. Oh mon Dieu, ô Philoté, que ce prince et cette princesse étaient pauvres dans leur richesse, et qu'ils étaient riches en leur pauvreté. Bienheureux ceux qui sont ainsi pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. J'ai eu faim, et vous m'avez nourri, leur dira le roi des pauvres et des rois, au jour de son grand jugement. J'ai été nu, et vous m'avez vêtu. Possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Il n'y a personne à qui les commodités de la vie ne manquent quelquefois en de certaines occasions. On n'aura pas à la campagne ce qu'il faudrait pour bien recevoir ses amis, dont la visite est imprévue. Les habits nécessaires, selon les règles de la bienséance, pour paraître avec honneur dans une assemblée, ne se trouveront pas où l'on sera. Les meilleures provisions de vin et de blé sont gâtées, et il n'en reste que ce qu'il y avait de méchant, sans qu'on y puisse supplier. Tout manquera dans un voyage, la chambre, le lit, la nourriture, le service. En un mot, pour riche que l'on soit, il est aisé d'avoir souvent besoin de quelque chose, et c'est être véritablement pauvre en ces temps-là. Philoté, acceptez-en donc l'occasion de bon cœur, et en souffrez la peine avec joie. Quand vous ferez quelque perte grande ou petite, par quelqu'un de ces accidents dont la vie est fort mêlée, comme une tempête, le feu, une inondation, la stérilité, un larcin, un procès, c'est alors le véritable temps de pratiquer la pauvreté, en recevant avec douceur d'esprit cette diminution de vos biens, et vous y accommodant avec toute la fermeté de la patience chrétienne. Ésaü se présenta à son père avec ses mains couvertes de poils, et Jacob en fit autant. Mais parce que ce poil qui couvrait les mains de Jacob ne tenait pas à sa peau, mais seulement à ses gants, on pouvait le lui arracher sans l'écorcher, ni le blesser. Au contraire, parce que le poil des mains d'Ésaü tenait à sa peau, qui était naturellement toute velue, on ne le lui aurait pas arraché, ni sans une grande douleur, ni sans une grande résistance. C'est justement une double figure de l'attachement des uns aux richesses et du détachement des autres. Quand nos biens nous tiennent au cœur, si la tempête, si le larrant, si le chicaneur nous en enlève quelque partie, que de plaintes, que de troubles, que d'impatience. Mais quand nous ne tenons à nos biens que par le soin que Dieu veut que nous en ayons, et non pas par le cœur, si nous les perdons, nous ne perdons pas pour cela ni la raison, ni la tranquillité. Les fidèles serviteurs de Dieu ne tiennent pas plus à leurs biens qu'à leurs habits, qu'ils peuvent prendre et laisser, comme il leur plaît. Mais les mauvais chrétiens y tiennent autant que les bêtes à leur peau. Fin du chapitre 15, troisième partie.